je vois pas l'arbre. J'aime bien le bruit des clients dans un bureau. J'aime bien les bruits des bouchons. J'aime bien les bruits du sable. J'aime bien